pour nous reposer nos émotions fortes, écoutons maintenant deux subtils intermèdes qui se situent chacun à un bout de la cassette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.